Allô, allô, ici Arnaud, vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. Nous venons d'entendre les Sinus avec Agnès Sorel, les Cantes Célestes et Joël Denis, c'est pas encore fait, oh! Effectivement, c'est pas encore fait, mais ça s'est fait, je crois. Selon Joël, mon Joël, est-ce que... Ouais, mais je te dis, moi, ça peut pas se faire autrement, faut que ce soit consentant! Par qui? Par Monsieur le curé! Bon, Monsieur le curé, il l'a autorisé, allez-y dans la joie et la... Et la quoi? Et la fraternité la plus sincère! Oh, monsieur! La quoi? La fraternité la plus sincère! La fraternité la plus sincère. On va s'en souvenir de ça. Ça vaut la peine de... On va mettre un gars là-dessus. Est-ce que tu peux écrire ça, ma belle Dolores, en caractère gras, avec un crayon 3 pouces noir en feutre, s'il vous plaît? Ben moi, j'ai pas de crayon noir en feutre. On va payer un... Madame, pouvez-vous y vendre un crayon en feutre 3 pouces? Ben moi, j'ai 2 pouces et demi. 3 pouces! Étale-le et foie! Écrasez-le, madame, et mettez-le dans une cirque... Dans une longueur de 3 pouces. Mais là, 3 pouces, j'en ai juste 2. Jean-Marc, veux-tu rajouter ton pouce? Ça va faire 3 pouces. Hein? C'est pas débrouillant, ce monde-là. Étale-le, ton feutre, là. Étale-le. Ben là, mais moi, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème là-dessus. Excusez-moi, là, c'était de la technique, là. J'ai demandé 3 pouces. J'espère que ça va être 3 pouces, là. Les vedettes, hein, ça demande tout le temps des spécificités. Ouais, des spécificités, comme vous dites. Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Atelier d'improvisation. OK, c'est le temps. Mène ça, Jean-Marc. C'est toi, là, l'accessoiriste. Depuis quand c'est que je suis l'accessoiriste? Ben, depuis ce soir. Oh! Suis-je l'accessoiriste d'un soir? Peut-être. Mais je peux t'embaucher, si tu veux. Comment ça paye? C'est bénévole. Ben, voyons donc, c'est bénévole. Comment m'en faire pour nourrir ma famille? Ben, tu les nourriras à coups d'amour. Oh, pas à coups d'amour. Ça fait mal, ça, des coups d'amour. Ah, ouais, mais c'est des gifles amoureuses. Oh, mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Eh, ben, ouais. Amène-le ton Buck. Mais ça sonne, oui. Ça sonne métal. Full Metal Jacket, comme disait mon ami Kubrick. Alors, c'est au hasard. On referme ça. Alors donc, c'est le bruiteur est excellent. Ben, j'espère, là. C'est le meilleur bruiteur de toute la radio francophone. Comment il s'appelle? Il s'appelle Louis L'Oreille. Louis L'Oreille, oui. Louis L'Oreille, est-ce que je te tombe sur le tympan? J'essaie de mixer tout ça, là, mais t'as une voix un peu claire, hein? Ben ouais, mais là, t'as pas Louis? J'ai Louis. Pis t'as pas l'oreille? J'ai l'oreille, mais j'ai pas le tympan. OK, bon, ben écoute. Alors donc, première phrase du début d'une nouvelle de mon ami Charles Bukowski. L'autre soir, je me suis retrouvé dans un concert. D'habitude, je déteste ça. Ben oui. Moi, là, quand on m'invite, elle ne plie pas celle-là, c'est pas une chaise pliante. Moi, j'aime ça quand ça me berce, ça m'amène vers l'introduction, puis ben, tu vas t'introduire autrement. OK. Ah ouais, c'est vrai que... on a changé de chaise, c'est ça? Mais, je n'ai même pas remarqué. Là, c'est parce que j'essaie de me tirer par en arrière, ça ne veut pas tirer. Tire comme tu veux, mais amène-la à ton impro. OK, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est quelle histoire a commencé? Moi, c'est ça, quand j'aime voir des concerts, c'est deux choses l'une. Soit que je suis dans un pays où je suis pas connu, là, j'ai aucun problème avec ça, je peux faire des bains de foule. La preuve, Olympia de Paris, Stooges. Je connaissais personne, j'étais heureux. Mais quand je vais jamais voir des gros spectacles à Québec, parce que les gens, oh, bonjour, moi, comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va bien. Ben, tout le temps en train de serrer les mains, parce que je travaille avec le public, donc je connais possiblement de monde que je voudrais pas connaître dans la vraie vie. Qu'est-ce que la vraie vie? Ah, ben ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que la vraie vie? C'est autre chose que ça. C'est des gens que tu choisis. C'est comme une fleur. Oh, une fleur que tu cueilles. Oh, et quand tu cueilles, tu veux accueillir. Ah, ben ça, c'est vrai, hein? Tu veux l'accueillir dans un pot. Dire, ah, je t'ai choisi, tu es la plus belle, donc je vais te donner l'eau la plus pure. Quelle eau tu lui donnes? Ben, de l'eau de la Chantepleure. Pourquoi? Ben, lorsqu'elle pleure... La fleur se sent tellement plus responsable et heureuse de vivre parmi cet océan d'amour. Ah, c'est bien dit, ça. Est-ce qu'on peut prendre ça en note? Ah, ben, allez-y, c'est open bar. OK. Open bar pour les mots, messieurs. Ben, moi, je sais pas comment écrire, là. Prenez un crayon, c'est déjà beaucoup. OK. Alors, donc, c'est ça. Moi, j'aime être connu, mais pas dans la foule. Par exemple, là, lorsque les gens me côtoient, mais qui sont pas dans une masse. Dans un banc, un peu comme les poissons dans l'eau, là. Eh, monsieur. C'est vrai que l'individu à plusieurs, il est comme un poisson dans l'eau. Il a pas de mémoire, il a pas d'intelligence, il a rien. Il ferait vers la médiocrité, ça a pas d'allure. Puis même très souvent, on se demande, hey, est-ce que tu vas t'en souvenir demain matin, tout ce que t'as fait endurer au genre humain? Il s'en souvient plus. Le troupeau ne s'en souvient plus parce que y a pas de mémoire. Ouais, c'est bien dit là. Ça, ben ça peut pas être mieux dit que ça là. Puis en même temps, quand je vais voir des spectacles comme les Stooges ou les pièces de théâtre, parce que je suis là, mais au théâtre c'est moins pire, hein, c'est beaucoup plus élitiste. Élitiste, ben c'est un peu moins, c'est plus singulier, c'est moins populaire. Oh, alors vous écoutez, vous allez pas voir des pièces d'été, des pièces de théâtre d'été? Ben, il y a des pièces de théâtre d'été qui sont faites pour les intellos, hein. Ils ont repris de UNESCO le jeune chercheur. Le jeune chercheur de UNESCO? Ben oui, le jeune chercheur de UNESCO. Écoutez, moi, j'ai eu, quand même, j'ai fait une formation à l'université là, sur UNESCO et il n'y a aucun titre de cet acalbi fait par cet auteur. Ah ben voyons donc, ouais, UNESCO. Ah, c'est Ionesse Tremblay, excusez-moi, c'est pas UNESCO, c'est Ionesse Tremblay qui a écrit ça. Ah oui, OK. Ouais, il y avait des québécismes. Oh, alors donc, c'était très québécois. Ah, mon Dieu, on disait régulièrement, tire-toi une bûche. Ah ouais, ma Rosaline, mets du beurre sur ton pain, puis quand il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro. Bon, mais ça, c'est une chanson. Ah bon, ben voyons donc, toi, j'ai pas de connaissances. Mais ça, ben, malheureusement, là, vous ruisselez d'incompétence. Ben voyons donc, je vais devenir critique, moi, là, si je ruisselle d'incompétence. Tous les critiques ruissellent d'incompétence. Ben voyons donc. Comme disait Jean-Pierre Ferland, les critiques, non, c'est Charlebois, les critiques, ce sont des ratés sympathiques. Mais on va en connaître des plus jeunes, des plus fous qui vont faire brosser les algadou, dou, pousse, ça c'est une autre affaire, ça. Je mêle toutes ces affaires-là. Mais le titre de la nouvelle, oui, parce que on a dépassé le temps, ben, on va le dépasser, mais on s'est fait déjà on était sur la 20, hein. As-tu vu la voiture, le cinglé qui roulait à 140? La limite, c'est quoi? C'est 100-110 quand t'es en forme 115, mais c'est pas 140! Oui, mais il voulait pas manquer, rentrer Nadine. Ben oui, mais il est dans sa voiture, il y a la radio. Oui, ça c'est vrai. 89.1. C'est vrai. Bah, bon, comment ça qu'il voulait de même? Parce que... il était en retard. Ben oui, c'est une voiture, il se montre parce qu'il est en retard, lui là. OK, le titre de la nouvelle de mon ami Charles Bukowski, alias Buck, c'était « La grande défense ». Je deviens fou, des stimulants stupéfiants, puis ma caisse de 12, y'a plus rien qui me booste. Et toi, qu'en pensez-vous? Car le pour est bon, car le monde est bon. Et toi, qu'en pensez-vous? J'ai des capelots de sympabou. Flat les gamins, j'ai tout ce qui bouge, y'a plus rien que tout bouge. T'es ta-ta, na-na-ma-ti, t'es ta-ta. Hey ta-ta, qu'en pensez-vous? Quatre le petit bout. Right. plaît? C'est la première fois que j'entre dans un bordel. Monsieur le curé, prononcez pas ce mot-là ici, s'il vous plaît. C'est pas un bordel ici. C'est un foyer. Une maison de l'amour que j'ai dédiée à la duchesse de Pompadour. Donnez-moi votre manteau, asseyez-vous, reposez-vous. Auriez-vous peur de moi, monsieur Curie? Oui. Oh, heureusement que je suis une femme, sans ça, je vous croirais. Vous avez été missionnaire chez les Esquimaux. On dit que les femmes là-bas sont très, très, très, très, très gentilles. Il faut pas parler d'elles, ce sont des démons. Est-ce que toutes les femmes ne sont pas des démons, monsieur Curie? Elles me poursuivaient jusqu'à ma couche. Une meute de diablesses encouragées par leur mari, des impures, des vicieuses. Vous avez jamais profité de cette impureté, monsieur Curie? Les nuits polaires sont très longues, même pour un missionnaire. Rose! Amenez-moi, monsieur le curé! Amenez-moi, s'il vous plaît! Non. Non. Non. La radio nationaliste, contrôlée par le général Franco, laisse entendre aujourd'hui pour la première fois qu'il est possible que la guerre d'Espagne se termine par un règlement pacifique. Oh, gosh, we have prepared a belle surprise. Je vois un jeune homme noir. Noir? Je veux pas de noir, pas du tout, forget noir. Rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, sans oublier qu'on en vient d'entendre. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Les Chinois avec Docteur. Oui. Les corps célestes. Oh. Algrès avec Coconut Woman. Coconut World Girl, oui, avec Algrès. La délicieuse Algrès. Alors, cette semaine... Et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. C'est un endroit où tout mot aimerait se retrouver un jour dans sa vie de mots. Ouais, mais c'est pas tout le monde hein, qui a le droit d'aller là. Ah, ça, vous avez entièrement raison. Vous êtes madame Thibodeau. Madame Thibodeau de... d'ici. D'ici. Ben, de là. De là. Ben, d'ici, de là. D'ici, de là. Oh, mais vieux... Madame Thibodeau, mieux vaut être d'ici, de là, qu'être de l'eau, de là. De l'eau, de là. Ben, quand on a soif, de l'eau, de là. Ah oh, oui, de l'eau. Je comprends pas. OK, merci. Alors, donc, fissure, embouchure, angle, la fin de l'inclure ou de l'exclure de la chatte. au-delà. Au-delà, mais de l'eau, de là. OK, c'est au-delà, de là. Enlever de l'eau. Mais si j'enlève de l'eau, où est de là? Ah, oh, ben là, ça, c'est une question qu'il faudrait demander à Madame Angénine. Angénine! Oui, Madame Angénine! Oui, vous qui connaissez tout. Moi, oh, mais connaître tout, hein, c'est un grand mot. Connaître. Ah, oh, mais là, c'est un petit mot. Ben, connaître tout. Ouais, c'est exagéré. OK, alors, est-ce qu'on a raison de s'en aller vers ce chemin? Ah, je réfléchis, là. Hein? Oh, mais parce que là, notre émission est assez limitée. Comme ton cerveau, un peu comme... Vous êtes gentil, hein? Vous êtes très gentil. Je sais que je ne le passerai qu'une seule fois à la radio. Ouais, c'est maintenant. Allez-y. Faites votre grand spectacle. Ouais, ben... Est-ce que je peux dire mon résultat? Ouais, mais c'est pas un quiz, là, mais vous avez le droit. Je ne sais pas. Oh, ça c'est ça. Oui, je ne sais pas. OK, je ne sais pas. Je ne sais pas si un autre part par Amsterdam, un autre temps qui nous amènera vers cette rame. Je ne sais pas, mais une chose que je connais, que je sais, c'est que je t'aime encore. Oui, je t'aime encore. Ah, c'est beau, Jacques Brel. Et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Quel mot, quel verbe, attention, ça peut donner un cours à l'histoire que personne ne pourrait à ce jour mettre de l'avant et en connaître les rouages. Qu'est-ce que tu dis là? Ben personne pourrait, c'est là c'est de l'aventure à 100%. J'aime ça le 100%, moi. Ah oui. Et aucune dissolution. Oh, comment? Aucune dissolution. Effectivement. Faut pas mélanger. Non, c'est pareil que c'est très mauvais pour la santé. Surtout, rendu à notre âge, hein, il faut rester sur la ligne droite et jamais bifurquer. Quoique. Bon, ouais, c'est... Enfin, ça c'est ton alibi, mais vas-tu le trouver, le mot? Ah oui, c'est vrai, on a une boîte à mots, excusez-moi. Il y en a qui ont des boîtes à rythme. Nous, on a des boîtes à mots. Préfères-tu la boîte à mots ou la boîte à rythme? Ah, ben moi, j'ai... Ouais, ça ressemble au parapluie de Cherbourg. Non, c'est les parapluies de Charlebourg. Oh! C'est comme les duchesses de Charlebourg. Non, c'est les duchesses de Charlebourg. Tout est de Charlebourg. Oh! Oh, le mot. OK, le mot. On cherche le mot. OK, monsieur. On est... Oh, ça déborde de toutes parts. Est-ce qu'on a droit de... Oh non, on n'a pas droit de... Parce que... Qu'est-ce qui se passe, des blancs? Non, je vais éternuer. Je suis pas capable. Bon. Force-toi un peu. OK. Le mot « ramasser ». Le mot ramasser, on essaie pendant toute notre vie de ramasser notre trop-plein, hein, de ramasser nos angoisses, de ramasser notre stress, de ramasser nos ennuis, de ramasser notre linge, de ramasser notre mari, notre femme, de ramasser notre vie, de ramasser notre travail, de ramasser nos complexes, de tout ramasser. Mais là, une fois que t'as ramassé, qu'est-ce que tu fais avec ça, mon Gaétan? Ben là, tu dois le prendre, peut-être le laver puis le plier. Ben ouais, c'est ça. Plie-moi ça de l'angoisse. Comment ça se plie, ça? Ben ça se plie pas, là, ça se tord. C'est comme à l'intérieur, hein. On est pris dans un mouvement où tout nous torve. Hey, torve-toi toi-même! Merci. Oh, on est comme une essoreuse, hein. On se fait... Ah, ah! Non, mais tu fais bien ça, l'essoreuse. On a mal. Tout le monde a mal à ta place, sauf toi. Alors toi, tu plies ça, toi, du linge. Ben oui, toi. Non, moi, je garde ça dans la garde-robe, puis quand je trouve quelque chose, ah, ben c'est ça que je vais me placer sur le corps. Et là, quand il m'arrive toutes les angoisses, comment je fais ça pour plier des angoisses? Ben, faut pas les plier, hein. Faut les laver. Oui, mais faut les laver. Alors, moi, je conseille fortement, hein, oubliez l'eau de Javel, parce que ça rend blanc. Donc, on oublie tout, hein, un blanc de mémoire et tout est parti. Mais je conseille de les laisser sécher. Comme ça, elles vont se révéler à nous et ça risque d'être un peu mieux. Oh, laissez sécher. Ouais, ben c'est vrai qu'on dit que lorsque l'on dort, hein, ça mijote. Alors peut-être laissez aussi mijoter. Mais pas trop fort, hein, 250, puis mettez un couvercle. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a des éclats qui sortent de cette poêle, hein, de ce chaudron, et qui viennent toutes salir la cuisine. Ah, ben voyons donc, je n'ai jamais sali ma cuisine avec ça. Mais si tu recouvres, là, c'est encore beaucoup mieux. Hein? Le lendemain matin, tu ne feras pas de ménage. Ah, ben ça, c'est mieux, parce que moi, là, j'ai de la difficulté avec le ménage aussi. Mais toi, mon petit champion, là, page 17 de ta vie, là, parce que j'ai lu ta biographie, là, page 18. 16, 17, 18. Pendant toute son existence... Excuse-moi, c'est tiens. Pendant toute son existence... Excuse-moi si je lis ta vie. Ben là, ça me gêne un peu à la radio. Ben oui, mais c'est... Il faut passer par là, hein. Pendant... Est-ce que je peux y aller? Ben vas-y, ouais, pendant toute son existence... Ben c'est ça. Hey, tu l'as lu? Ben oui, c'est moi qui l'ai écrit. Ah ouais, c'est rare que les artistes écrivent eux-mêmes leurs livres, hein. Ah ben... Dans mon cas, j'avais juste ça à faire, hein. OK. Pendant toute son existence, hein, y a-tu de la mémoire, hein? Hein, wow! Ça fait 2-3 secondes, puis hein, le poisson, ouais. Continus, j'aime ça! Continus, continue. Pendant toute son existence, il a tenté de parvenir sans y arriver. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben, c'est que j'ai... Merci de me poser, c'est une maudite bonne question. Ouais, mais c'est dans ton livre, hein? Ben... ouais, mais c'est un livre. À quel endroit on peut se le procurer encore? Parce qu'il me semble que tout a été épuisé. Ben, tout a été épuisé un peu comme le reste. Ben, on peut le trouver sur Internet. Oh! Alors, si vous avez Facebook, là... Qui? Facebook. Ah, OK, parce que le Facebook, ça a sorti vers là. Si vous avez Facebook, moi, je vous conseille très, très, très, très... fortement d'aller vers Facebook, vous entrez Rénal Gagné ou Errance Rénaldienne, et le premier errant ou le dixième Rénal Gagné avec un nez, là, son nez, c'est quoi? C'est un porte-micro. Il s'est mis un porte-micro sur le nez. Ben, c'est pour faire comme le clown, mais un nez noir. OK? Alors, vous pouvez venir me voir, puis vous êtes mon ami, puis vous pouvez lire toutes mes extravagances, puis oh mon Dieu. C'est pas bien intéressant. Bon, je sais que c'est pas intéressant, là, mais donc, est-ce que pendant toute notre vie, là, on étale ça, on fait sécher, on fait mijoter? Moi, je conseille mijoter, mais mettez... Ouais, je sais, mettez qu'un couvercle pour pas que ça explose sur la cuisinière. Ben, pas exploser, mais ça peut envoyer des petites garnottes. Bon, ouais, mais on n'a rien pour nettoyer, ça, cette garnotte-là? Ah, ben oui, hein. On a toute notre vie pour nettoyer les garnottes. Je changerai même de visage et de langage. Pour retrouver l'harmonie, pour saouler mon âme, j'offrirai tout ce qu'il me reste, ma jeunesse. J'ai besoin d'apprivoiser, j'ai besoin d'improviser. D'accord avec demain qui sera m'aider à tout recommencer sans jamais m'arrêter. Pour retrouver l'harmonie et le temps qui passe, je prendrai dans les yeux d'une femme une larme. L'espace, je disparaîtrai sous l'onde de mes idées. J'ai besoin d'apprivoiser, j'ai besoin d'improviser en accord avec demain qui saura m'aider à tout recommencer sans jamais m'arrêter. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na raison, toi. Hello. Oh, yes, sir. Yes. Of course. Tiens, tu as de l'argent puis une adresse où tu peux aller. Fais ta valise puis sauve-toi par la porte d'en arrière. Non, non, je reste. Hein? Je vais plus m'évader. Petite teinte. Tu vois pas que je vais essayer de t'aider? Si tu restes ici, tu ne le reverras jamais, ton Lorenzo. Je vais pas manquer le réveillon. Bon. Rouge! Non, laisse-la, Desmond. Elle veut plus s'enfuir. Elle veut rester pour le réveillon. C'est vrai? C'est vrai. Je vais pas manquer le réveillon. Bravo. Ben, le gérant de la mine t'a remarqué. C'est ça. Je te fais confiance. Puis, où en es-tu? Nulle part. J'ai essayé de faire peur d'être romantique, rien. J'ai tout essayé. Desmond, l'amour chez toi tue le désir, tu le sais bien. Cesse de l'aimer. Je peux pas, je rêve à elle tout le temps, même la nuit. Mais alors fais-lui donner une déclaration d'amour. T'es folle, tu veux que je perde mon autorité sur les filles? À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.